franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Ça a été l'attentat le plus spectaculaire perpétré par l'ETA, l'assassinat, en décembre 1973, du président du Conseil espagnol, Carrero Blanco, en plein Madrid. L'attentat aussi le plus audacieux, les Etarras, c'est-à-dire les indépendantistes clandestins de l'ETA, ont creusé pendant des semaines un tunnel sous la chaussée de la rue qu'empruntait régulièrement la voiture du bras droit de Franco et y ont placé des dizaines de kilos de dynamite. C'était aussi la première fois qu'ils opéraient hors du Pays Basque, démontrant ainsi qu'ils disposaient désormais d'une solide infrastructure. Enfin et surtout, l'ETA, créé en 1959 et qui s'était déjà signalé par plusieurs actions violentes, faisait une entrée remarquée sur la scène nationale et même internationale en apparaissant comme la principale force anti-franquiste. Et s'il est exact que l'élimination de l'amiral Carrero Blanco, symbole d'un pouvoir totalitaire et policier, allait entraîner le déclin du franquisme, l'ETA allait bientôt prouver que ce n'était pas tant le régime qu'elle combattait que le colonialisme de Madrid, pour reprendre sa rhétorique. Et les Etarras ne montreront pas moins d'acharnement à lutter contre les successeurs de Franco, qu'ils soient centristes, socialistes ou conservateurs. En réalité, cet attentat exceptionnel signait le début d'un enchaînement de violences qui allait ensanglanter l'Espagne jusqu'à la trêve qui vient récemment d'être annoncée par les terroristes de l'ETA. Au total, un bilan effrayant. Des centaines de morts et autant de blessés. Monsieur X, qui nous a raconté la semaine passée les dessous de l'attentat contre Carrero Blanco, poursuit son récit. Seren ordiam beitu Campuan janari Negian ez dageri Balinban ez dageriz Uda Churiere signola ororen gehien bestek beno hobeki haik dizu kantatzen Bera ez dut ikusten, bai botza entzuten. Bon, je ne reviens pas sur les zones d'ombre qui planent et continuent à planer autour de l'attentat au cours duquel Carrero Blanco a péri. Oui, en particulier les suspicions de complicité au sein même du pouvoir franquiste. Hein. Le président du Conseil n'était en effet guère apprécié par certains clans parmi les plus extrémistes. Ouais, même si l'amiral lui-même n'était pas réputé pour être un tendre. Certains, puisqu'il orchestrait la répression. Mais pour clore tout à fait ce dossier, il me faut encore parler du destin des membres du commando qui a préparé et commis l'attentat. Le commando Chiquia, c'est ça. Les Etaras, identifiés et arrêtés, ont bénéficié d'une mesure d'amnistie après la mort de Franco en 1975. Une décision prise par le successeur de Franco, alors le roi Juan Carlos. Mais les nostalgiques du franquisme n'ont pas voulu en rester là. Ils avaient juré de venger l'amiral, en particulier en s'attaquant au chef du commando, Argala. Et qui sont ces nostalgiques, là? Essentiellement des officiers espagnols. Ils vont susciter la formation d'un commando de tueurs dont la composition est très éloquente. Pourquoi ? Parce qu'on y trouve la fine fleur de l'extrême droite internationale. Ces mêmes hommes qui sont aussi les acteurs de la stratégie de la tension en Italie ou en Belgique. Alors, on y trouve un Jean-Pierre Chéride, ex-terroriste de l'OAS et futur chef de l'un des commandos des Galles. Les Galles qui lutteront avec les armes contre l'ETA. Avec la complicité des autorités espagnoles et l'aide matérielle du gangstérisme. Il y a là aussi un certain José María Bocardo, un Argentin, membre d'une organisation terroriste, et Mario Ricci, un néo-fasciste italien. La décision de liquider Argala a été prise en 1977, dès que l'amnistie générale a été concédée par le nouveau gouvernement espagnol. Argala est localisé dès juin 1978 à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Au Pays Basque français, donc, qui a souvent servi de base arrière aux militants de l'ETA. Et je vous en parlerai, car c'est un point important. Symboliquement, avant de passer à l'action, le commando souhaite attendre la date anniversaire de la mort de Carrero Blanco. Le 20 décembre, donc. Mais ce jour-là, Argala, cloué au lit, ne sort pas de chez lui. Il faudra donc attendre le lendemain pour qu'il monte dans sa voiture qui a été préalablement piégée. Et le 21 décembre 1978, le véhicule d'Argala explose. Carrero Blanco est donc vengé. Alors venons-en à l'évolution de l'ETA. L'ETA qui va désormais engager le combat non plus contre un régime totalitaire, mais contre un gouvernement issu peu ou prou d'un processus démocratique. Et ça change tout. Parce que tous les militants indépendantistes basques ne vont pas se retrouver sur la même ligne. Il va y avoir scission ? Forcément. La fraction majoritaire prend le nom de ETA politico-militaire. Et la minorité devient l'ETA militaire. La rupture est officialisée en septembre 1976. Mais sur quelle base se produit cette scission ? Pour simplifier, les tenants de la majorité acceptent la perspective d'une transition démocratique suite à la mort de Franco. Mais les autres refusent de jouer le jeu des institutions et prônent la lutte armée à outrance. Mais n'y a-t-il pas ambiguïté puisque les majoritaires ont choisi l'appellation ETA politico-militaire ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment renoncé à l'action violente. Vous avez raison. Et la rivalité entre les deux factions va être telle qu'elles vont se lancer dans une véritable compétition aux attentats. C'est à qui en commettra le plus ? Mais pour supplanter l'autre. Naturellement. Et alors, qui gagne ? C'est la répression exercée par les forces de police qui va arbitrer entre les deux organisations rivales. L'ETA politico-militaire perd la plupart de ses commandos. Ouais, des arrestations. Oui, c'est donc l'ETA militaire, la faction la plus dure, qui s'impose sous la houlette d'un solide noyau de dirigeants qui tiendront la barre jusqu'en 1992. En même temps, l'organisation se structure. Des dizaines de commandos sont créés en Euskadi et en Navarre. Les membres de ces petits groupes ne connaissent que leur agent de liaison et mènent une vie apparemment normale. Quant aux dirigeants, ils sont installés en France. La France qui est alors un sanctuaire pour ces clandestins. Et le restera au moins jusqu'en 1984. Mais j'ai promis de vous en reparler, donc je poursuis. En 1978, comme d'autres organisations terroristes, l'ETA se dote d'une vitrine légale. Herri Batasuna, ce qui veut dire en basque « unité populaire ». Par conséquent, ce mouvement a aussi pour ambition de fédérer toutes les tendances du nationalisme basque, y compris le vieux PNV, le parti historique de l'indépendantisme basque. Beaucoup plus modéré que l'ETA. Et c'est avec ce parti que le gouvernement de Madrid va conclure en 1979 un accord très important, ce que l'on va appeler le statut de Guernica. Et alors, que prévoit-il ? L'octroi au Pays Basque d'un statut de large autonomie à l'intérieur de l'État espagnol. Trois provinces, l'Álava, le Guipuscoa et la Biscaye, sont concernées, libres à la Navarre de l'intégrer, si elle le désire. Mais cette dernière finira par refuser et créera sa propre communauté autonome et abandonnera même l'euskara comme langue co-officielle. Enfin, je vous passe les détails, mais ce statut marque une avancée considérable. Ah ben oui, parce que les Basques vont pouvoir s'administrer. Oui, grâce à un Parlement élu, un gouvernement et un président. Plus emblématique, le drapeau et l'hymne basque sont reconnus et l'euskara et le castillan sont toutes deux reconnues comme langues officielles. Et cet accord historique est approuvé par référendum en octobre 1979. Comment réagit l'ETA ? De façon très négative. Elle multiplie les attentats sanglants et maintient ses revendications. Alors, malgré ces avancées, que veut-elle au-delà de cette reconnaissance de l'autonomie ? L'ETA réclame l'indépendance de l'Euskadie, qui, selon elle, a été annexée en 1200 par la Castille. Mais ce n'est pas tout. L'organisation clandestine revendique aussi l'intégration de la Navarre au Pays Basque, le retrait des forces de sécurité de l'Euskadi, l'octroi d'une amnistie totale pour ses militants et, de façon plus générale, l'amélioration des conditions de vie dans les territoires basques. Ouais, autant de conditions que le pouvoir central se refuse à accepter. À commencer par l'indépendance. Et l'ETA ne tarde pas à montrer qu'elle refuse le statut de Guernica. 1981 est l'année la plus sanglante dans l'existence de l'organisation indépendantiste. 118 personnes sont tuées, dont près de la moitié sont des civils. Et de façon plus anecdotique, il faut noter au début de l'année 1982 l'enlèvement du père du chanteur Julio Iglesias. Une action qui provoque une vive émotion au sein de l'opinion publique espagnole. Ah oui, forcément. Je crois me souvenir qu'il sera rapidement relâché. Oui, 19 jours plus tard. Autre information importante pour ce début des années 80, les militants de la branche ETA politico-militaire, ou ce qu'il en reste, décident de dissoudre leur organisation et choisissent l'action purement politique. Ouais. Ne reste donc plus que l'ETA militaire. Et sa vitrine légale, Herri Batasuna, qui obtiendra d'ailleurs un beau succès électoral en recueillant près de 20% de voix au Pays Basque aux élections européennes de 1987. Une apogée, car son électorat ne cessera ensuite de s'éroder, tombant à 12% aux élections législatives de 1996. Ouais, Herri Batasuna paie sa proximité avec une ETA dont la violence est de moins en moins comprise. C'est certain. Enfin, revenons un peu en arrière. Fin octobre 1982 se produit un événement considérable. Le socialiste Felipe González gagne les élections à la faveur du premier vrai scrutin libre depuis la fin de la dictature. Ouais, l'Espagne s'installe donc définitivement dans le camp des démocraties occidentales. Et dans le dossier basque, alors, qu'est-ce que ça change ? Ah, beaucoup de choses. Et d'abord celle-ci. En 1983, exaspéré par les exactions continues de l'ETA, Felipe González engage une lutte frontale contre les États-races. Et ça va se traduire par la création des GAL, les groupes antiterroristes de libération. Et González va s'y salir les mains. Eh oui, car en voulant terroriser les terroristes, les autorités espagnoles et surtout le ministre de l'Intérieur, Barrio Nuevo, vont couvrir des opérations illégales et accepter des accointances avec des individus peu recommandables. Mais détruire ? Généralement recrutés dans le milieu français. Mais aussi des types d'extrême droite, autrefois compromis avec le franquisme. Bon, je ne développe pas parce que je vous ai parlé autrefois des GAL et de leur sale méthode. Élimination physique en Espagne et en France, et aussi l'usage de la torture. Mais ce que change essentiellement l'arrivée au pouvoir des socialistes, c'est qu'elle va entraîner un changement radical de la position du gouvernement français vis-à-vis des Basques de l'ETA. Chef de la sécurité espagnole, puis secrétaire d'État, condamné à 10 ans de prison en 1998, Rafael Vera était le chef d'orchestre des GAL, si j'en crois le journaliste Jacques Massé, auteur d'un ouvrage intitulé « ETA, histoire secrète d'une guerre de 100 ans ». Extrait. Vera reste assimilé au scandale des GAL, cette nébuleuse responsable d'au moins 29 assassinats en France et en Espagne entre 1983 et 1987. Créés après l'accession au pouvoir de Felipe González, les groupes antiterroristes de libération ont eu pour mission de faire pression sur les autorités françaises en semant la terreur sur leur passage. Objectif avoué, les obliger à se débarrasser des Basques d'Eutea, réfugiés dans le sud-ouest. Cette leçon à donner est cultivée jusque dans le choix du sigle, lorsqu'on sait que « gallos » est l'un des termes péjoratifs qui désigne les Français en Espagne. La plupart des hommes de main ont été jugés en France. En Espagne, après ces années de plomb, les principaux protagonistes de l'affaire ont également été condamnés, mais bien des questions restent toujours sans réponse, tant à Madrid qu'à Paris. À Rafael Vera d'expliquer sa part de vérité d'abord, pour comprendre ce qui a conduit un État à actionner des tueurs pour régler leurs comptes aux Basques radicaux. Inutile toutefois d'attendre de lui une repentance. Une précision pour en finir avec l'égal. Leurs attentats cesseront en 1986, suite à la décision française d'expulser sous couvert d'urgence absolue les Basques espagnols réfugiés sur la côte basque. C'est donc une sorte de reconnaissance de leur redoutable efficacité. Malheureusement, oui. Alors, venons-en à ce revirement de l'attitude française. Jusque-là, c'est-à-dire avant la victoire électorale des socialistes espagnols, le gouvernement français dirigé par Pierre Mauroy a toujours refusé les demandes d'extradition de militants basques formulées par Madrid. Ça signifiait donc que les dirigeants de l'ETA se sentaient à l'abri en France, où ils avaient installé leurs planques et leurs caches d'armes. Souvent d'ailleurs, ils avaient fondé une famille dans ce qui était devenu leur base arrière. Arrive donc au pouvoir en 1982, Felipe González et les siens. Ils remarquent d'abord. Mitterrand et González sont du même bord politique et se connaissent très bien. En 1974, Mitterrand est même venu soutenir le futur Premier ministre espagnol à Suresnes lors du congrès clandestin du Parti socialiste espagnol. Par conséquent, dès le mois de novembre 1982, une nouvelle doctrine gouvernementale est adoptée à Paris. On envisage désormais la possibilité d'extrader dans un pays démocratique les États qui ont commis, je cite, « des crimes inacceptables ». Cependant, Mitterrand met un bémol. C'est-à-dire il déclare que tout Basque espagnol qui demandera l'asile en France l'obtiendra dès lors qu'il renoncera à l'action violente. Ouais. À partir de la France. Naturellement. Ouais. Au fond, c'est aussi ce qu'il accorde aux anciens brigadistes italiens. Ah, tout à fait. Mais cette doctrine va peu à peu évoluer. Surtout à partir de 1984. En juin, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, signe des accords avec son homologue espagnol. Il y est mentionné qu'un terroriste ne peut être assimilé à un réfugié politique. D'ailleurs, les tribunaux administratifs français commencent à prononcer des expulsions vers l'Amérique latine ou encore des assignations à résidence. Mais Pierre Joxe, qui succède à Gaston Defferre un peu plus tard, va encore plus loin. Il affirme qu'il répondra favorablement aux demandes de l'Espagne. Et s'il le faut, il procédera à des expulsions massives. Ça se traduit dans les faits ? Oui. Dès le mois de septembre 1984, 7 États comparaissent devant le tribunal de Pau. Et 3 d'entre eux sont extradés vers l'Espagne. Toutefois, ceux qui n'ont pas de sang sur les mains sont épargnés et expulsés au Togo. Le durcissement est donc évident. Hein, et on n'en est pas arrivé là sans discussion au sein même du gouvernement français. Mais si Mitterrand a évolué si rapidement, c'est que son ami González, lors d'une visite dans sa maison de Lache, lui a décrit dans les détails quelques-uns des attentats perpétrés par le TA. Et le président Mitterrand a été horrifié. On peut le penser. Dans le plateau de la Balance, une autre considération a pesé. En France même, le petit frère de l'ETA, l'organisation Ipar et Tarak, a mené des actions très violentes, en assassinant en particulier plusieurs membres des forces de l'ordre. Et ça a certainement contribué à durcir la position française. Cependant, il faut reconnaître que Paris a pris des précautions. Ces précautions, pourquoi ? Parce que, malgré la transition démocratique en Espagne, certaines pratiques héritées du franquisme subsistaient. Le dispositif antiterroriste institué en 1975 perdurait encore. Il autorisait les professionnels de la sécurité à perpétuer des méthodes expéditives. Vous voulez parler de la torture ? Qui continuait à être pratiquée dans les commissariats et dans les postes de la garde civile pendant la période légale de garde à vue. C'était d'autant plus préoccupant que le gouvernement espagnol se refusait à enquêter sur ces faits de maltraitance pourtant avérés. Quant aux tribunaux, ils opposaient une fin de non-recevoir aux plaintes pour torture, même lorsqu'elles se fondaient sur des preuves médicales. Bah, c'est ce même aveuglement qui prévalait vis-à-vis des crimes du Gall. Bah, la conséquence, c'est qu'à la suite du changement de politique de la France, certains militants basques, de peur d'être extradés, ont fui et se sont réfugiés en Amérique latine ou en Algérie. Mais l'OTA n'a-t-elle pas été tentée de riposter par la violence à cette évolution de la position française ? Certainement. L'OTA, d'après des documents retrouvés dans une planque, aurait même dressé une liste de personnalités françaises impliquées dans la lutte contre le terrorisme. Des personnalités qui seraient devenues des cibles ? Bien entendu. Des repérages très précis avaient même été effectués. Mais les etaras ne sont pas passés à l'acte. Autre évolution notable, celle qui correspond au retour de la droite en France. Oui, c'est la première cohabitation en 1986. Et l'arrivée au ministère de l'Intérieur du tandem Pasqua-Pandreau. Ces deux-là ont moins d'état d'âme que leurs prédécesseurs socialistes. En quelques mois, 160 militants basques sont incarcérés et plus de 90 sont remis aux autorités espagnoles. Alors on a franchi une étape. Ah ben, incontestablement. Et la police française porte des coups très durs à l'organisation clandestine. Ça commence avec l'opération Socoa, du nom d'une coopérative basque qui fabrique des sièges de bureaux. En perquisitionnant ces locaux, les policiers effectuent une importante saisie de documents qui dévoilent l'organisation interne de l'ETA, sa comptabilité, son mode de fonctionnement et les noms de 140 etaras. Mais j'imagine que les policiers n'ont pas agi au hasard. Pas bien évidemment. Ce sont les services secrets espagnols aidés par des spécialistes de la CIA qui ont mis les enquêteurs français sur la piste. Les agents de Madrid avaient introduit une puce électronique dans la tête de deux lance-missiles portables qui avaient été vendus à l'ETA. Ouais. En tout cas, c'est donc un vrai coup dur pour l'ETA, ça. Absolument. Mais ce succès policier avait été précédé par l'arrestation de Chomin, un dirigeant historique de l'ETA. Peut-être même le chef le plus important de son histoire. Alors lui aussi, il est extradé ? Non. Sans doute parce que c'est un trop gros poisson et qu'on craint peut-être des actions de représailles. Chomin bénéficie donc d'un statut de réfugié politique. Mais à ce propos, il faut parler d'occasion ratée. Expliquez-moi alors. Grâce à ce chef de l'ETA, on peut envisager pour la première fois d'entamer des discussions secrètes entre l'Espagne et l'organisation terroriste. Et c'est un policier français, l'homme qui l'a arrêté, le commissaire Catala, qui est la cheville ouvrière de cette entreprise. En effet, le courant passe bien entre les deux hommes. Si bien même que Chomin se confie. Il ne voit qu'une issue au conflit. La négociation. Et c'est un choix raisonnable. Le chef de l'ETA pense qu'il vaut mieux négocier tant que son organisation est puissante. Ouais, ça veut dire qu'il n'est pas sûr qu'elle le reste. Ah, parfaitement. Mais ce commissaire n'est qu'un fonctionnaire français. Si négociation il y a, elle doit s'engager avec les autorités espagnoles. Aussi, le policier propose-t-il de soumettre cette idée de négociation à Madrid. Tandis que Chomin, lui, agira de façon semblable auprès des autres dirigeants de l'ETA. Et Catala, alors, passe vraiment à l'action ? Oui, il rencontre à plusieurs reprises Rafael Vera Fernandez, le secrétaire d'État espagnol à la sécurité. Cependant, un événement va contrarier ses efforts. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'occasion ratée. Ouais, que se passe-t-il ? En juillet 1986, Chomin quitte la maison d'arrêt où il était incarcéré. Mais il est à peine sorti qu'il est appréhendé par une équipe de policiers des renseignements généraux qui a été envoyée par Philippe Massoni, leur patron. Ça ressemble à un sabotage, non ? Ah, c'est possible, même si Massoni a prétendu qu'il voulait recruter Chomin. Quoi, en faire un indicateur ? Sans doute. Mais c'était mal connaître le Basque, qui d'ailleurs ne voulait traiter qu'avec Catala. Ouais. Massoni, dites-moi, était un proche de Pasqua, Oui, c'est la vérité. Alors, ne peut-on penser que c'est le ministre de l'Intérieur qui a voulu mettre fin à cette négociation avec un chef terroriste ? Bah, écoutez, libre à vous de le penser, mais ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Des précisions sur ce chef historique de l'ETA, Chomin. Je les ai trouvées dans le livre de Jean Chalvidan, ETA, l'enquête. Chomin, le numéro un de l'ETA, représentant le courant le plus dur, est né en décembre 1943. Très religieux, il étudie chez les sœurs, devient ajusteur, puis chef de maintenance d'une coopérative. Devenu clandestin, il est très certainement l'Etara, jouissant des titres de guerre les plus impressionnants. 6 enlèvements, 14 attaques, plus de 20 assassinats. C'est lui qui a enlevé Eugène Bayle et Sabala, assassiné Carrero Blanco, participé à la tuerie de la cafétéria Rolando de Madrid, qui fait 12 morts et 69 blessés, tenté d'enlever la famille royale espagnole en France en août 1974, lui qui couvre de son autorité tous les assassinats, toutes les exactions de l'ETA. Réfugié en France depuis décembre 1968 avec sa femme Maïté, père de 3 enfants, en août 1978, Chomin reçoit une balle dans la tête qui le laisse un temps sur le flanc. Une fois rétabli, il accède au comité exécutif qu'il ne tarde pas à diriger. Devenu une personnalité mythique aux yeux des terroristes, on le retrouve en Irlande pour tenter d'établir des contacts avec l'IRA, puis au Pays Basque français, entouré de 4 gardes du corps armés de mitraillettes, changeant une trentaine de fois de domicile entre Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, afin de parer aux attentats du redouté bataillon basque espagnol, puis à ceux du GAL. À 4 reprises, il échappe à des attentats. Vous avez parlé d'occasion manquée avec Chomin. Alors, qu'aurait-il fallu faire, d'après vous ? Une assignation à résidence en France aurait pu permettre de continuer à explorer la possibilité de la fin de la lutte armée. Mmh. Oui. Mais qu'est-il devenu, là ? Il a été rapidement expulsé vers le Gabon, puis sera finalement accueilli à Alger avec d'autres Etaras. Pourquoi Alger ? Le président Chadli Ben Jedid pensait alors utiliser les Basques dans son jeu contre l'Espagne qui bloquait l'indépendance du Sahara occidental. Logé par le gouvernement algérien dans un lieu tenu secret, les autorités algériennes garantissaient leur protection, mais assez bizarrement, en février 1987, Chomin a trouvé la mort à Alger. Officiellement, il a été tué dans un accident de la route. Mais selon une autre version, il serait tombé du toit du bâtiment où il résidait avec d'autres militants Etaras. Du toit, ouais. Pas très clair, hein. Mais rien n'est jamais clair lorsqu'un dirigeant de la dimension de Chomin disparaît subitement. Enfin, revenons en France. À partir de 1987, Charles Pasqua utilise une procédure d'exception appelée urgence absolue pour envoyer en Espagne une centaine de réfugiés basques. En septembre de la même année, une opération conjointe des policiers français et espagnols conduit à l'arrestation du numéro 2 de l'ETA, Santi Potros. En même temps, 120 interpellations ont lieu et plus de 60 expulsions sont prononcées. Ceux qui seront relâchés porteront des traces de torture. Et les autorités françaises ne peuvent ignorer que les Basques livrés à l'Espagne subiront ces sévices. C'est évident. En cette année 1987, l'ETA commet aussi un des attentats les plus sanglants de son histoire. L'explosion d'une voiture piégée dans le parking d'un centre commercial de Barcelone provoque 21 morts. Puis en décembre, 11 personnes, dont 5 fillettes, sont tuées près d'une caserne de la Guardia Civil à Saragosse. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, parallèlement, des discussions secrètes ont lieu à Alger en janvier 1988. Oui, mais ça n'empêche pas la violence. Ah, bien au contraire. L'ETA veut alors forcer la négociation à coup d'attentat en intensifiant la violence. C'est assez paradoxal, non ? Telle est alors la ligne politique de l'ETA. Toutefois, ça ne dure pas. En janvier 1989, l'organisation annonce la première trêve de son histoire. Alors, les négociations peuvent reprendre. Toujours à Alger, et cette fois-ci de manière officielle. Mais en mars 1989, se tient à Saint-Sébastien une grande manifestation en faveur de la paix. Et donc contre la violence terroriste. Bien sûr. Ouais. L'ETA accuse aussitôt le gouvernement de l'avoir organisé pour faire échouer les négociations. Ouais. Et c'est la rupture. Bah, une rupture qui provoque une immense déception dans la population basque, mais qui sème aussi le trouble au sein de l'ETA. Là encore, on a l'impression d'être passé à côté d'un espoir. Parce que c'était quand même la première fois que l'organisation indépendantiste était reconnue comme interlocuteur officiel par le gouvernement espagnol. Ouais, une nouvelle occasion ratée, par conséquent. Et c'est le sentiment qui prévaut même chez certains éteras. D'autant que la décennie 90 amorce le déclin de l'ETA. C'est un mythe qui s'effondre peu à peu, celui de l'invincibilité de l'organisation. D'abord parce que beaucoup de ses dirigeants sont arrêtés et que la coopération antiterroriste entre la France et l'Espagne s'accentue. C'est d'autant plus vrai que les Etarras n'hésitent pas à tirer sur les membres des forces de l'ordre français. Ils ont en effet reçu l'ordre de désormais ne plus se rendre sans résister. Et donc d'utiliser leurs armes. En 1992, année de l'exposition universelle de Séville et des Jeux Olympiques de Barcelone, la police française, avec l'aide des policiers espagnols, décapite le comité exécutif de l'ETA à Bidart, dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais en même temps, on assiste à une troisième tentative de médiation entre l'Espagne et l'ETA. Une nouvelle fois, c'est le commissaire Catala qui est à la manœuvre. Et ça passe par Azcuati, le responsable de l'appareil des finances de l'ETA, qu'il a arrêté en 1986. Il est étonnant, ce policier-là, qui réussit à mettre en confiance ceux qu'il a appréhendés. Vous avez raison, mais les tentatives de Catala vont échouer. Pour au moins deux raisons. D'abord, suite aux arrestations opérées à Bidart, les nouveaux dirigeants de l'ETA n'ont qu'une idée en tête, relancer la violence armée. Et en août 1992, deux gardes civils sont assassinés. Ensuite, parce que des jalousies au sein de la police et la perspective d'une nouvelle cohabitation politique mettent en échec la médiation entamée par le commissaire. Et en même temps, c'est un nouvel encouragement à la violence. Et aussi un changement de stratégie. Jusque-là, le terrorisme Etara ne s'attaquait qu'à l'État espagnol oppresseur du Pays basque, c'est-à-dire à ses représentants, militaires, policiers ou politiciens. Mais à partir de 1993, l'ETA considère que les ennemis, ce sont aussi les forces démocratiques basques, les journalistes, les policiers autonomes ou les élus locaux. Et réaction de la population basque, alors? Elles sont très négatives et la mouvance pacifiste gagne du terrain en Euskadi. Mais l'ETA n'oublie pas pour autant le pouvoir espagnol. En avril 1995, un attentat à la voiture piégée contre José María Aznar, alors leader de l'opposition conservatrice, échoue. Puis, en août 1995, c'est une autre tentative d'attentat contre Juan Carlos Quirat. Enfin, en janvier 1996, un officier de la pénitentiaire est enlevé. Ce sera la prise d'otage la plus longue de l'histoire de l'ETA. Il sera retenu et torturé pendant plus de 500 jours. Mmh. Est-ce que la défaite des socialistes en 1996 change la donne? Fondamentalement, non. Certes, Aznar affiche une position de fermeté face à l'ETA et refuse tout dialogue, mais en même temps, il nomme un ministre de l'Intérieur basque qui entretient de très bonnes relations avec les nationalistes modérés du PNB. Ouais. Et vis-à-vis de l'ETA, alors? Elle ne change pas. En juillet 1997, le conseiller municipal Miguel Angel Blanco est enlevé, puis assassiné deux jours plus tard. C'est la 800e victime de l'ETA. Cet homicide provoque une très vive émotion au sein de la population espagnole. On verra même, dans toute l'Espagne, 5 millions de personnes défiler contre la violence de l'ETA. Alors les indépendantistes basques ont commis là un crime complètement contre-productif. Oui, car on entend d'anciens dirigeants etarras condamner cet assassinat. Eduardo Uriarte, un des fondateurs de l'organisation, déclare même au quotidien La Vanguardia que l'ETA est devenu le bourreau qu'elle voulait combattre lors de sa création. Dans ce climat hostile, l'ETA décrète une nouvelle trêve, sans pour autant remettre ses armes. Elle en profite pour se réorganiser et même rajeunir ses militants, qui sont de plus en plus radicaux. Conséquence, dès janvier 2000, les attentats reprennent. L'ETA fera cette année-là 21 morts. Ouais, et la litanie des assassinats reprend. Mais en 2004, les Espagnols se remettent à espérer quand le socialiste José Luis Zapatero arrive au pouvoir, car il se dit prêt à négocier avec l'ETA pour mettre fin à la lutte armée. Une ETA qui est par ailleurs très affaiblie et a de plus en plus de mal à renouveler ses militants emprisonnés. L'ETA annonce donc, en 2005, la fin des assassinats de personnalités politiques élues, tandis que des négociations s'ébauchent avec le gouvernement espagnol, à condition que l'organisation cesse la violence. Ce qui est déjà le cas. quand en 2006, l'ETA annonce unilatéralement un cessez-le-feu permanent. Il y a 3 ans qu'elle n'a pas fait de victime. Un pas vers la paix, alors. Oui, mais tous les États ne sont pas sur la même ligne. Les pistoleros ne veulent pas renoncer à l'action armée. Fin 2006, l'ETA rompt le cessez-le-feu en perpétrant un attentat à l'aéroport de Madrid. 2 Équatoriens sont tués. La machine infernale est à nouveau en marche. Et ça continue tout au long de l'année 2009, où les États multiplient assassinats et attentats à la voiture piégée. Puis en mars 2010, l'organisation terroriste est officiellement mise en cause par les gouvernements français et espagnol dans le meurtre d'un policier à Damary-les-Lys. Mais il y a aussi de nombreuses arrestations. Oh, très nombreuses, en effet. Et dès 2010, il est évident que l'on s'achemine vers la fin de la violence. Oui, mais enfin, il faut attendre 2011 pour que l'ETA annonce un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu permanent et général. Tandis que le nouveau chef militaire de l'ETA, Alejandro Zabarán Arriola, est arrêté dans le nord de la France lors d'un coup de filet de la police. Ça n'empêche pas l'organisation de réitérer sa décision d'arrêter définitivement son activité armée. Et pour la première fois de son histoire, l'ETA ne réclame aucune contrepartie à l'arrêt de la violence. C'est peut-être une nouvelle preuve de son affaiblissement. Certes, mais ça ne met pas un terme au problème basque. D'abord parce que même si l'ETA a décrété la paix, elle n'a pas remis ses armes. Donc ça pourrait recommencer à tout moment. J'en doute, mais pourquoi pas? Ensuite parce que, après tant d'années sanglantes, c'est une solution politique qu'il faut maintenant trouver. Encore faudrait-il que les autorités aient des interlocuteurs, car la plupart des chefs de l'ETA sont maintenant en prison. Mais il conviendrait aussi que Madrid mette un peu d'eau dans son vin. C'est-à-dire ? Pour la droite au pouvoir, quiconque, surtout si les politiciens et basques, ne condamne pas explicitement l'ETA, s'en fait complice et mérite donc le cachot. On en a encore eu la preuve très récemment. La possession de t-shirts ou de DVD indépendantistes peut conduire tout droit en prison pour plusieurs années. Délit d'opinion. C'est à peu près ça, oui. Il faut en outre savoir qu'en Euskadi, aucune formation politique réellement indépendantiste n'a eu le droit de se présenter aux élections depuis une dizaine d'années. Difficile dans ces conditions d'entamer un dialogue. Et certains en Espagne pensent que le pouvoir joue avec le feu. Car l'ETA, qui ne prononcera sa dissolution que si tous les prisonniers sont libérés, n'a rien abandonné de ses revendications initiales. Oui, l'indépendance. Et l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Or, il ne faut pas oublier qu'il existe toujours un noyau dur de pistoleros qui pourrait bien un jour être tenté de passer à l'action. 3 livres, si vous voulez en savoir plus. ETA, histoire secrète d'une guerre de 100 ans de Jacques Masset chez Flammarion, paru en 2010. Puis ETA, l'enquête de Jean Chalvidan, publié en 2003. Et du même secret d'État chez Picolec en 2012. À samedi prochain, vous retrouverez bien sûr toutes les références de ces livres sur franceinter.fr. Ce programme a été préparé par Agathe Gilberg et Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Biou. Et Monsieur Joe lui a ajouté ses formidables notes de musique. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou.